Première partie, chapitre 1er de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie. Les avis et les exercices nécessaires pour conduire l'âme depuis le premier désir qu'elle a de la dévotion jusqu'à la volonté sincère de l'embrasser. Chapitre 1er. De la nature de la dévotion. Vous aspirez à la dévotion, Philothée, parce que la religion vous a fait connaître que c'est une vertu extrêmement agréable à la divine majesté. Mais puisque les petites fautes que l'on commet au commencement d'une affaire deviennent grandes dans les progrès et sont presque irréparables à la fin, il faut absolument que vous commenciez par bien savoir ce que c'est que la dévotion. Car il n'y en a qu'une bonne, et il y en est plusieurs vaines et fausses. Et sans ce discernement, vous pourriez vous y tromper, en vous amusant vous-même à une dévotion imprudente et superstitieuse. Un peintre nommé Aurelius peignait dans ses figures les femmes pour qui il avait conçu de l'estime. Et c'est ainsi que chacun se peint la dévotion, sur l'idée que lui en forme sa passion ou son humeur. Tel qui s'est attaché à la pratique du jeûne se croit dévot, pourvu qu'il jeûne souvent, quoiqu'il nourrisse dans son cœur une secrète haine, et tandis qu'il n'ose pas tremper le bout de la langue dans le vin, ou même dans l'eau, de peur de blesser la perfection de la tempérance, il goûte avec plaisir tout ce que lui suggèrent la médisance et la calomnie, qui sont insatiables du sang du prochain. Tel s'estimera dévote, parce qu'elle a coutume de réciter tous les jours une longue suite de prières, quoiqu'après cela, elle s'échappe dans son domestique ou ailleurs, en toutes sortes de paroles fâcheuses, fières et injurieuses. Celui-là tient toujours sa bourse ouverte aux pauvres, mais il a toujours le cœur fermé à l'amour de son prochain, à qui il ne veut pas pardonner. Celui-ci pardonne de bon cœur à ses ennemis, mais payer ses créanciers, c'est ce qu'il ne fait jamais s'il n'y est contraint. Toutes ces personnes se croient fort dévotes, et peut-être que le monde les croit telles. Cependant, elles ne le sont aucunement. Les officiers de Saül étant allés chez David avec ordre de l'arrêter, Michol, son épouse, les amusa pour leur cacher sa fuite. Elle fit mettre dans un lit une statue qu'elle couvrit des habits de David, avec quelques peaux autour de la tête, puis elle leur dit qu'il était malade et qu'il dormait. Voilà l'erreur de beaucoup de gens, qui se couvrent de l'extérieur et de l'apparence de la sainte dévotion, et que l'on prend pour des hommes fort spirituels. Mais au fond, ce ne sont que des fantômes de piété. La vraie dévotion, Philothée, présuppose l'amour de Dieu, et pour parler plus juste, elle est elle-même le parfait amour de Dieu. Il s'appelle grâce parce qu'il est l'ornement de notre âme, et en fait une belle âme aux yeux de Dieu. Quand il nous donne la force de faire le bien, il s'appelle charité, et quand il nous fait opérer le bien avec soin, avec promptitude et fréquemment, il s'appelle dévotion, et il a toute sa perfection. J'explique ceci par une comparaison fort simple, mais bien naturelle. Les autruches ont des ailes, et ne s'élèvent jamais au-dessus de la terre. Les poules volent, mais pesamment, rarement et fort bas. Le vol des aigles, des colombes et des hirondelles est vif, élevé et presque continuel. Ainsi, les hommes ne sont que des hommes de terre, et rampent toujours sur la terre. Les justes, qui sont encore imparfaits, s'élèvent vers le ciel par leurs bonnes œuvres, mais rarement, avec lenteur et une espèce de pesanteur d'âme. Il n'y a que les âmes solidement dévotes, qui, semblables aux aigles et aux colombes, s'élèvent en Dieu d'une manière vive, sublime et presque infatigable. En un mot, la dévotion n'est autre chose qu'une certaine agilité et vivacité spirituelle, par laquelle, ou la charité opère en nous, où nous-mêmes nous faisons avec la charité tout le bien dont nous sommes capables. C'est à la charité de nous faire observer universellement tous les commandements de Dieu, et c'est à la dévotion de nous les faire observer avec toute la diligence et toute la ferveur possible. Celui donc qui n'observe pas tous les commandements de Dieu n'est ni juste ni dévot, car pour être juste, il faut avoir la charité, et pour être dévot, il faut avoir avec la charité une attention vive et prompte à faire tout le bien que l'on peut. Et parce que la dévotion consiste essentiellement dans une excellente charité, non seulement elle nous rend prompte, actif et diligent dans l'observation de tous les commandements de Dieu, mais encore dans les bonnes œuvres qui, n'étant point commandées, ne sont que de conseils ou d'une inspiration particulière. Un homme qui ne fait que de relever d'une grande maladie marche fort lentement et seulement par nécessité. De même, un pécheur nouvellement converti ne marche dans la voie du salut qu'avec une mauvaise lenteur et pesanteur d'âme, et par la seule nécessité qu'il y a d'obéir aux commandements de Dieu, jusqu'à ce qu'il ait bien pris l'esprit de piété. Alors, comme un homme saint et robuste, non seulement il marche dans la voie des commandements de Dieu, mais il court avec joie, et même il entre avec un grand courage dans les chemins qui paraissent praticables aux autres hommes, et où la voix de Dieu l'appelle, soit par les conseils, soit par les inspirations de la grâce. Enfin, la charité et la dévotion ne sont pas plus différentes l'une de l'autre que le feu l'est de la flamme, puisque la charité, qui est le feu spirituel de l'âme, étant forte enflammée, s'appelle dévotion, de sorte que la dévotion n'ajoute rien, pour ainsi parler, au feu de la charité, sinon la flamme qui rend la charité prompte, active et diligente dans l'observation des commandements de Dieu et dans la pratique des conseils et des inspirations célestes. Fin du chapitre 1er. Première partie,